Puis là, si vous n'avez mangé une, vous avez une heure. Vous êtes drôlement impressionné. Vous pouvez même arriver jusqu'à être malade. Parce que vous n'êtes pas tarlat. C'est empoisonné, c'est normal que vous soyez malade. Hein? Je ne suis pas pour être tarlat, pour être malade. Assujetti. Et par après, on dit que, bon, c'est pas empoisonné. Mais si vous avez été malade, vous risquez de dire que la vôtre ne devait pas être bonne pareille. Parce que l'ego tient à se défendre, à ne pas perdre la face. C'est normal. C'est stupide, mais normal. Si c'est vous qui comptez des histoires, ben, à un moment donné, vous allez finir par avoir une onde de choc en retour. C'est-à-dire que chaque fois que vous parlez, vous apprenez. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous gravez. Vous vous rappelez ce que vous avez dit. Un professeur donne un cours et il peut dire après son cours quelle était la matière qu'il enseignait. Et on m'a posé telle question, j'ai répondu à telle chose. Je te rencontre, puis le gars qui doit de l'argent, tu y as-tu parlé? Ah oui, j'ai dit je casserais les deux jambes, j'ai dit que je le tuerais, je lâcherais mes trois chats sur lui. Bon, ben, tu t'en rappelles, tu es impressionné. Et si à un moment donné je te fais les mêmes menaces parce que tu me dois de l'argent, tu vas être aussi impressionné que celui que tu as impressionné, qui est normal. Mais observez, on parle de la palette de chocolat qui est empoisonnée, et observez ce qui se passe. Regardez comment stupide vous agissez parce qu'on vient de dire ça. La télévision détermine vos gestes. Vous rentrez dans un supermarché, la boîte de savon, une scène pour 15 boîtes. Ah, vous partez en courant, puis tout le monde part en courant, puis un gros carambolage de carrosse. Mais observez-vous, parce qu'on a mis une étiquette là, vous vous mettez à courir. Pas vous qui manipulez quoi que ce soit, c'est pas vous qui contrôlez. Vous n'êtes pas les maîtres à bord. L'extérieur est le maître à bord parce que l'extérieur impressionne votre psychologie. Votre psychologie attire, c'est-à-dire qu'elle fouille dans ses mémoires toutes les impressions similaires avec une scène 15 boîtes. Normalement, c'est à la boîte. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ce qui fait que pendant que tout ça se fait, tu es déjà en train de courir. Mais on est manipulé par l'impression. Et si on arrête, bon, ben là, c'était déjà de courir. Par exemple, une scène de la boîte, là. Mais là, au moins, vous auriez raison de courir, mais si vous le savez, hein, très important. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous allez être impressionné. Et si vous observez pourquoi j'agis comme ça, vous rentrez quelque part pour la première fois, la lumière diminue, elle monte, elle diminue. Ah là, vous cherchez des explications supramentales ou n'importe quoi. Ben, il a fallu simplement une presque bande de courant pour lancer des nouvelles philosophies. Vous savez qu'il y a des religions qui sont parties sur la planète simplement à cause d'erreurs et d'accidents. J'en ai déjà parlé à un moment donné, je crois, où on avait une personne, un immense peuple qui avait besoin d'un messie, d'un sauveur. C'est une histoire vécue, mais je ne vous place pas le contexte parce que c'est pas nécessaire que vous trouviez où ça se passe. Ça se trouve en là, mais c'est pas le Nazaréen. Alors, à un moment donné, on a un individu qui arrive là et qui parle un peu en fou, c'est un savant, et qui compte comment on devrait transformer telle chose, puis le territoire où ce peuple-là vivait, comment on pouvait tout changer, même pour réussir à balayer les ennemis à l'extérieur, comment on pouvait, etc. Mais le peuple qui était là ne croyait jamais les étrangers. C'était absolument abominable. Il n'était pas du même sang. D'ailleurs, le sang a servi à massacrer énormément. Hein? Il fallait qu'on soit du même sang, sang royal ou sang français ou sang anglais ou sang, etc. Sang bon sang. Alors là, le sang était très important. Et en fin de compte, l'espèce de gros comité directeur de la peuplade, c'était pas une tribu, c'était réellement un peuple, a décidé de tuer quand même l'étranger, même si l'étranger avait sauvé 3 guerriers des empreintes des ennemis. On a quand même décidé de le tuer au cas. Il est peut-être bon, mais s'il est mauvais, il risque de détruire le peuple, alors on va éliminer. Et ça, c'est une réflexion presque mentale. On prendra pas de chance. Présentement, ça va bien. Avec lui, ça peut aller mieux, mais ça va pas aller plus mal. Présentement, ça va bien. Sur les limites, on reste bien. Restons bien. Alors, la personne qui devait aller le tuer, il était en train de donner un discours encore sur la place publique. Elle s'est approchée avec un couteau et on ne sait pas, mais elle s'est enfargée et elle est tombée sur son couteau. Et le peuple a vu là un signe des dieux et sa personne est devenue presque un messie, justement. Et on l'a suivi, on a tout fait. Une population entière a été impressionnée par un accident bête, stupide et banal et on a parti une nouvelle religion, je nomme pas le nom, on a parti des contextes, on a parti des concepts, on a formé toute une idéologie, puis on a pu diriger un peuple, et effectivement, ça a fonctionné. Mais ce n'était pas Dieu. Dieu lui aurait fait signe autrement, il n'aurait pas envoyé un guerrier se faire tuer pour rien. Mais effectivement, il s'est enfargé, il est tombé sur son couteau. Et toute la population a été impressionnée à travers le filtre des traditions, le filtre des annonces prophétiques, et ils en ont parlé au reste de la population, de déformation en déformation, et puis là, c'était fait, il n'y a plus aucun gouvernement en place qui aurait pu interdire ou qui aurait pu décider qu'on tuait l'étranger. Le tuer était faire une révolution. Tout a changé simplement à cause d'une pierre. Parce que la population a été impressionnée. Et si on remarque, tous les gourous, tous les maîtres, tous les vichous, essaient d'impressionner leurs disciples. Les religions parlent de miracles, parlent de paradis, on impressionne, on promet. Et l'impression, elle doit toujours, si on veut se débarrasser de la manipulation des impressions, qu'elles soient spirituelles, divines, matérielles, psychologiques ou n'importe quel niveau, même après 34 ans, on doit observer quel genre de réaction on est en train de faire lorsqu'une impression vient à notre conscience. C'est simple. Le problème est de se rappeler que l'on doit observer lorsqu'on est manipulé. Et là, c'est plus compliqué. Une fois que vous avez acheté pour 300 000 piastres de boîte de savon, alors là, vous vous dites, crème, j'ai été manipulé. C'est un peu tard. Une fois que vous avez peur, que vous partez en courant, pour vous rendre compte qu'en fin de compte, c'était une farce, ben, vous avez été manipulé. On est souvent vexé d'avoir été manipulé. Mais c'est normal. Mais il faudrait qu'on l'observe sur le moment même. On vous fait peur, vous observez. Et vous n'aurez pas peur. Parce que vous allez être capable de voir réellement la réalité sans filtre psychologique, sans filtre de l'impression, sans filtre mémoriel. Et en ce sens, c'est facile. On n'a pas à effacer quoi que ce soit et on n'a pas à décider, à graver au fond de nous qu'on est manipulé et qu'on le sera toujours. C'est vrai. Mais c'est pas nécessaire d'y croire. Il faut l'expérimenter. Et vous serez toujours manipulé, c'est-à-dire l'homme mémoriel sera toujours manipulé. L'être humain qui évolue un jour ne sera plus manipulé et il ne sera plus manipulable. Mais si c'est dans vos mémoires que vous savez que l'homme ne sera plus manipulé, ben dans vos mémoires, c'est faux. Parce que c'est encore mémoriel, et ce n'est pas le bon homme, c'est l'homme psychologique, encore une fois, qui essaie de voir le jour où il ne sera plus manipulé. L'homme mental ne le sera plus, et c'est vous aussi l'homme mental. Mais présentement, c'est plus vous l'homme psychologique, l'homme mémoriel. Alors, on n'a pas à s'en faire, tout ce qu'il faut faire, c'est faire. C'est-à-dire qu'on doit s'observer lorsque des événements courants, des événements normaux de notre vie, tente à nous manipuler, à restreindre notre efficacité, à restreindre notre expressivité. Vous voulez embrasser quelqu'un? Si intelligemment cela se fait, ben faites-le. Et après ça, observez-vous. C'est un bon moyen d'expérience. Vous voulez dire à la servante, la waitress, dans le restaurant que son steak est pas bon, mais vous pouvez pas, fait que vous vous contentez de le manger ou de le laisser là, puis de payer, puis de vous en aller. Ben, vous êtes complètement manipulé. Vous pouvez être poli, puis lui dire, puis en demander un autre, puis il n'y a rien là. Mais on est manipulé sans cesse, continuellement, parce qu'on a des concepts mémoriels qui nous empêchent de pouvoir nous exprimer. Vous allez au garagiste, c'est au garage, et puis vous lui dites d'arrêter au premier déclic de la pompe, sinon ça coule. Et puis rendu au déclic, ben, il est là, puis il continue parce qu'il veut ajuster ses scènes. Puis vous êtes là avec votre carte de crédit, puis vous vous balancez royalement des scènes. Puis là, vous osez pas. Puis à un moment donné, plouf! Là, il arrête. Là, il resserre ça, puis il remet le bouchon, puis il remet tout ça là, puis il vous donne du type en plus. Puis à un moment donné, on devrait être capable de... J'ai dit au premier, si tu continues d'en mettre, je paye plus. Il va arrêter d'en mettre. Mais c'est une logique intelligente. Pourquoi gaspiller l'énergie, polluer tout ça pour un concept mémoriel? Observez-vous, puis vous allez voir que les mémoires qui bloquent, les mémoires qui viennent nous nuire, sont quand même raisonnablement, facilement... dissipage.